en pleine agonie. Tu m'as offert ton cœur comme un écrin, dont je serai le joyau protégé. J'ai acquiescé à ta demande émue. Je suis maintenant en détention cardiaque dans ton cœur. Je suis un oiseau dans une cage dorée dans ton cœur. Ma prison d'amour où je suis cloîtré dans ton cœur. Pour la vie céleste monter vers la nuit dans ton cœur. Je suis entré dans ton cœur et ta vie. J'embrasse la mort en te donnant la main. Tu m'offres une balancelle pour m'amuser. Je suis perdu dans ton cœur exigu. Je suis maintenant en détention cardiaque dans ton cœur. Je suis un oiseau dans une cage dorée. Je désire fuir et pouvoir m'envoler de ton cœur. Mais j'ai tellement peur que tu ne sois déçu dans ton cœur. J'ai enflammé ton cœur, je recommence. Pour m'évader, je fais n'importe quoi. Tu ne sais pas ce qu'il t'arrive, tu penses que dans ton cœur brisé je suis à toi. Mais maintenant je veux ma liberté. Et tu sais pourquoi? Ton cadeau, la balancelle qui me servait de berceau, brûle désormais, formant dans ton cœur une âme. Je sens que je vais partir, je vais bientôt trépasser. Et avec moi tu seras monté très haut, bien trop haut. Pour une liberté j'ai dû vivre et mourir.